soleil du matin. Je l'ai accompagné au port. Nous avons tenu nos distances. Sur la lande, tout se voit de loin. Un arbre dans le décor. Nous avons gardé le silence. Parfois nous nous sommes regardés et nos sourires étaient bavards. J'avais pour moi seule la beauté, celle du monde, celle de son regard. Et sur le chemin du retour, ses cheveux volaient dans le vent. Ses seins, la folie nous tournait autour, me faisait bouillir le sang. Sa paume contre la mienne, je sentais une douce vibration. Sur le seuil, je suis parti me promener. Il faisait si beau ce jour-là. J'étais léger comme une feuille. De m'envoler. Les vagues rugissaient ma joie. Dans un creux entre les rochers, dans le sable, je lui ai écrit que l'amour me dictait. La plus belle des poésies, bientôt la mer a effacé message qu'elle n'a pas lu. Mais par transmission de pensée,